2025, à l'occasion du Festival Printemps des Humanités du Campus Condorcet, l'équipe d'animation scientifique du programme prioritaire de recherche Autonomie, en partenariat avec le réseau Université de la Pluralité, a organisé un atelier d'écriture créative sur la thématique 2070, l'accessibilité universelle. Animé par l'autrice, psychologue et docteur en psychologie Katie Stewart, cet atelier était ouvert à toutes et tous et il a rassemblé tant des scientifiques que du personnel administratif et des curieux et curieuses. Ils et elles ont imaginé ensemble à quoi pourrait ressembler un monde futur où l'accessibilité universelle serait une réalité concrète, quotidienne, avant de passer à l'écriture d'un petit fragment de ce monde. C'est ce monde que nous sommes heureuses de vous présenter dans cet audio, à travers une promenade narrative qui vous en fera visiter les lieux et rencontrer les habitants et habitantes. Le récit qui sert de trame a été composé par Laure Saint-Coty, membre de l'équipe d'animation du PPR Autonomie, et les extraits qui y sont enchâssés ont été produits par les participants et participantes de l'atelier. Ils sont lus par Jojo Decaux et Anne-Geneviève Moalic qui ont participé à l'atelier, Katie Stewart, l'animatrice, Marie Assaf et moi-même, Marianne Vigneul, toutes deux également membres de l'équipe d'animation du PPR Autonomie. Vous entendrez également Katie Stewart et Marie Assaf vous partager leurs analyses de l'expérience qu'a été l'atelier. L'ensemble de cet audio est disponible au format écrit. Nous vous invitons à consulter la description où se trouve le lien de téléchargement. Encore quelques mots de préambule. Vous vous demandez peut-être pourquoi un programme de recherche scientifique comme le PPR Autonomie a organisé un atelier d'écriture créative. Lorsque le Festival Printemps des Humanités a annoncé son thème pour l'édition 2025, universel, l'équipe d'animation a tout de suite pensé que 2025, c'était aussi l'anniversaire des 20 ans de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi fixe le principe d'une accessibilité généralisée dans tous les domaines de la vie, comme condition préalable essentielle à la jouissance effective des droits fondamentaux. L'obligation d'accessibilité concerne donc aussi bien le cadre bâti, les transports, l'information et la communication, la scolarisation, l'emploi, l'ensemble des services publics, etc. Mais la loi est peu appliquée et l'accès de tous à tout reste un horizon à atteindre et se pense encore principalement au futur. Peut-être parce que appliquer cette loi ne signifie pas mettre en place des mesures uniformes, mais transformer nos environnements de vie en intégrant les différences comme une donnée de départ et non comme une exception. La recherche scientifique fait partie des espaces et méthodes de prospection qui participent au changement de nos sociétés, en interaction avec une diversité d'acteurs, des professionnels de l'accompagnement, des services publics et des élus, des établissements d'accueil, des entreprises, des associations de personnes concernées ou de leurs proches, des citoyens et citoyennes engagés. Nous avons souhaité contribuer à la stimulation de ce dialogue entre sciences et société en empruntant un chemin de traverse, en proposant de passer par l'imagination et la narration, avant de nous demander comment les échanges créatifs et les fragments de récits qui nous ont été partagés entrent en résonance avec les travaux de recherche développés au sein des équipes de recherche. Nous vous invitons à présent à découvrir ces récits. Chers camarades de 2025, je suis heureux de m'adresser à vous depuis 2070, en direct, et oui, enfin, façon de parler, mais prouesse technique de mon fait tout de même. Je me présente, je n'ai pas de nom, mais je suis le programme reporter le plus obstiné du monde de 2070, de votre futur. Programme reporter, c'est ma fonction, mais vous pouvez m'appeler PR, ou même Pierre, si ça vous arrange mieux. Je sais bien qu'il y a peu de chances pour que vous puissiez me répondre. C'était déjà quelque chose de vous envoyer ma fréquence. Je ne promets pas que ça marche à tous les coups, d'ailleurs. J'ai tant travaillé que j'ai oublié de faire mes mises à jour. Je pourrais avoir quelques bugs et la liaison risque de ne pas être très stable. J'espère que vous me pardonnerez. Je suis donc le programme reporter de France Communication. Franceco, comme on dit chez nous. Et en ce 28 avril 2070, Franceco a donné pour thème à ma chronique « Lettre aux camarades du 28 avril 2025 ». C'est vous. Je dois vous montrer le monde de 2070 qui a réalisé l'accessibilité universelle. Enfin, dit-on. Alors, je vais faire comme tous les jours, sillonner les terminaux où il m'est permis de me télécharger. Mon employeur est très strict, je dois donner la parole au premier venu. C'est comme ça, c'est le hasard qui prime. Vous restez avec moi, n'est-ce pas? Je vous assure que vous ferez de belles rencontres. En tout cas, moi, c'est mon quotidien et il me plaît bien. Ah, c'est déjà l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de vous parler de l'accessibilité et de notre organisation, pas même de Franceco. Mince, mince, mince, je parle trop. Mais assurément, celles et ceux qu'on va croiser pendant notre promenade vous expliqueront tout. Oups, c'était inopiné ce transfert. J'aurais vraiment dû prendre le temps de redémarrer hier soir, mais... Oh, c'est ma compagne préférée! On commence très fort. Je dois réveiller le vaisseau. Mais je crois que j'ai un bug. Je n'ai pas bien dormi, comme disent les humains. J'ai mal à mes puces du réseau 4 depuis 15 jours. Et celles du réseau 6 viennent de griller. Je suis peut-être que des codes, mais je tiens à ma petite vie. Ah ça oui, je comprends bien. Et je suis sûre que vous aussi, camarades du passé, vous comprenez. Non, peut-être pas en fait. Mais il faut que je fasse les présentations. Je vous parle en direct de la cabine de calcul, de direction et de protection du plus grand vaisseau orbitationnel, du moins en 2070. On l'appelle le vaisseau Grand-Père-Mère. Beaucoup d'humaines et de programmes informatiques ont décidé de rester vivre ici, au-dessus de la Grande Bleue, même après que les îlots habitables aient été mis en conformité accessibilité. Il faut dire que c'est là qu'on a appris à mieux connaître la personnalité des programmes comme moi. Certaines se sont attachées à ce lieu, à ses routines, à sa sécurité. Toutes les anxiétés ne se sont pas éteintes, vous savez, même pour Zizoubel, le programme qui est responsable trajectoire et sécurité, RST. Hein, Zizou ? On vit comme les requins depuis que les océans ont envahi la planète. Et si on ne bouge pas, on va être détruit. Pas très rassurant, n'est-ce pas ? Bon, elle exagère un peu. C'est qu'elle a un grand sens des responsabilités, Zizou. Elle prend soin de son petit monde, et il n'y a pas assez de monde pour prendre soin d'elle. Ça, elle pourra vous le dire. Si je ne répare pas rapidement, je ne pourrai pas lancer la musique qui alimente les réacteurs et le bâtiment va s'arrêter. Eh oui, mais il y a une solidarité ici, il ne faut pas croire. Comment vous en parler mieux ? Oh, je peine à trouver les mots pour vous le dire. Si je pouvais vous en faire un dilucin... Ça alors, quand je vous disais que la liaison est instable, je ne contrôle plus du tout la commande de téléchargement et de transfert. Je vais être à la merci du hasard, encore plus que d'ordinaire. Vraiment, camarades du passé, toutes mes excuses. Ça risque d'être un peu chaotique, cette aventure de découverte de votre futur. Donc, bon, bah, pas de dilucin. Mais c'est qu'il y a de l'ambiance ici. Bienvenue dans la chambre de Lila, notre enfant prodige. Vous connaissez Mozart ? Bien, c'est notre Mozart à nous, sans les névroses. Lila conduit le vaisseau Grand-Père-Mère. Et comme tout le monde en 2070, Lila ne fait rien seule. C'est une petite fille qui pilote le vaisseau spatial à l'aide de signes. Le commandant de bord l'aide à se repérer grâce aux musiques du matin. Oui, Lila, elle ne parle pas. Elle est concentrée ailleurs. Mais elle a tout ce qu'il faut pour communiquer quand même, comme nous tous. Ah, j'aime cette chambre. C'est douillet pour les programmes. Lila pense beaucoup à nous. On se comprend, vous savez. Mais je digresse. La musique, c'est un des nombreux langages de Lila. Ce serait trop long à vous expliquer, et je me demande si vous comprendriez. Pas encore, probablement. Mais certains d'entre vous commenceront à saisir, dans quelques années. Je vous plains de ne pas déjà savoir, c'est incroyable comme expérience. Archipel Ouest, île 856B21. Chut ! Oh là là, voilà que la fonction de localisation se réveille. C'est bien, mais c'est bruyant, surtout vu l'endroit. Camarades du passé, je vais parler tout bas. On est sous l'oreiller de ma copine Clarisse. C'est une grande poétesse, mais là, elle se réveille et à son âge pour le moins canonique, bah, je ne vous fais pas un dessin. C'est pas évident tous les jours d'être un corps. Enfin, je dis ça, mais je ne suis pas très bien placée pour en dire quelque chose. On va écouter Clarisse plutôt que les spéculations d'un programme. Le chant en est à son deuxième paragraphe. Les murs se colorent sous chaque note, embrasent sa chambre de carmin, puis de vert, avant de terminer sur du bleu azur. Si certaines vibrations sont agréables à ses vertèbres, massent les points de tension dans ses nerfs, d'autres lui tirent une grimace de douleur, comme chaque matin. Alors, 2025, on sait ce beau dit, n'est-ce pas ? Je crois que j'ai fait une erreur de vocabulaire. Pas à la mode en 2025, je crois, ce terme. Enfin, presque. Ce sera à la mode l'année prochaine. Si vous voulez être visionnaire, commencez à utiliser le mot. Mais ça reste entre nous, bien sûr. Ça n'est pas moi qui vous l'ai dit. Clarisse, j'aimerais tellement vous faire un poème sur elle. Mais je ne l'atteins pas à la cheville. Ses matins sont si lyriques. Elle ne l'a pas facile, pourtant. On a beau faire ce qu'on peut pour les lombaires des citoyennes âgées, la douleur et l'inconfort existent toujours en 2070. Je vous déçois. Bien, on essaye de prendre soin les uns des autres. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est l'intention qui compte, parce que ça ne suffit jamais. C'est très compliqué, vous savez. On est tous très différentes. Ça s'entrechoque. Ah, attendez. Clarisse vient de poéter quelque chose de magnifique. Je voudrais tenter de vous le transmettre, mais... Bip, boop. Oh, une salle de Francesco. On ne va pas rester longtemps, c'est une séance d'intermédiation pro-communication privée. On va juste recueillir un témoignage. C'est le professionnel de Francesco qui va nous servir d'interprète. Ils sont très forts, vous allez voir. Même moi qui ne parle pas, je peux y avoir des conversations que les gens qui m'accompagnent trouvent claires et limpides. Si j'y reste trop longtemps, ça me donne un peu mal à la tête. Par nature, je suis beaucoup en lien avec les autres, à tel point que j'ai besoin de fermer certains sens ou de m'isoler physiquement. Eh bien, voilà quelqu'un qui aime Francesco. Je dis ça parce que beaucoup de gens critiquent. Je crois qu'à votre époque, chers camarades 2025iens, se moquer des services publics est coutumier. On n'a pas abandonné cette habitude, croyez-moi. C'est vrai que c'est très procédurier, comme qui dirait. On a nos protocoles, on essaie de les multiplier pour les adapter autant que possible, mais du coup, ça prend beaucoup de temps de donner à chacune la solution qui lui convient. Sauf que l'attente n'est pas très adaptée. Ça laisse des vies en suspens, faute de solution, et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne le supporte très bien. Quelque chose à ajouter, cher usager de Francesco ? Heureusement, il y a un bâtiment dans lequel on communique par des voies qui ne sont pas le langage, comme dans une fourmilière. C'est ça, France Communication. Et il y a une valeur qu'on ne voit que le matin, lors d'un rituel d'adhésion, pendant une musique qui donne du pouvoir lorsqu'elle est perçue par toutes et tous. La musique, eh bien, vous savez ce mot-là, maintenant que j'y repense, je crois que je pourrais interroger tout le monde ici en 2070 et on dirait tous que le mot est faible. Il ne rend pas justice à cette pratique et il vous donne l'impression que c'est comme votre musique à vous, alors que c'est beaucoup plus que ça. Comment dire ? Imaginez votre musique, mais avec 3 ou 4 dimensions supplémentaires. Quelque chose comme ça. Mince, je crois que j'ai définitivement le code qui s'encrasse. Je tente une rapide mise à jour de mon module G790, chers camarades de 2025, et je suis à vous. En attendant, vous là, salutations. C'est pour la chronique de Francesco, c'est votre PR. 2070 vous écoute. Et 2025 aussi, aujourd'hui, car c'est une émission un peu spéciale. Donnez tout! Elle vivait dans un grand bâtiment flottant comme un bateau qu'on appelait la Tour de Babel. Ce bâtiment était très haut et très respecté, presque vénéré par les adultes. Tout le monde croyait que c'était la meilleure invention du monde. Cette jeune dame dicte son journal, il me semble. On est de retour sur le vaisseau grand-père-mère. C'est une habitante des lieux. Je ne sais pas si elle a compris qui je suis et pourquoi je lui demande de parler. C'est un peu embêtant. Je ne sais pas si j'ai le droit de continuer. Elle descendit tout en bas de la tour de Babel, là où personne n'allait jamais. Et là, elle sentit une vibration d'une musique différente. Ce n'était pas la musique dominante que les machines jouaient tous les jours. C'était une vraie chanson, jouée par un vieil homme sur un vieux piano. Ah, ça, le piano ! Ça, les 2025iens, vous connaissez. Mieux que moi. Oh, si seulement vous pouviez me répondre pour me parler du piano. Nous sommes chez quelqu'un. Je pense que cette escale va vous intéresser. Vous entendez ce son? Vous voyez ce petit glouglou? Vous sentez cette fraîcheur caressante? Je pense qu'elle en parlera. Je ne veux pas gâcher la surprise. Coucou. Coucou. Il est environ 10h et j'ai déjà mal. J'ai mal dormi, j'ai encore perdu mon doudou dans le lit et ma sœur m'a réveillée plusieurs fois. Je prends mon temps pour me lever, pour ressentir mes membres engourdis. Bon, vous connaissez la rengaine maintenant, c'est pas toujours drôle l'accessibilité, ça non. On va lui laisser le temps, d'accord? Si j'avais des jambes, je m'assiérais et puis... Bref, je ne m'assois pas. Mais j'ai mon petit haut-parleur et ça suffit alors. Ma. Je pense que c'est bon maintenant. Psst. Je pose un pied, puis l'autre. Et je regarde la fontaine musicale où l'eau coule. J'arrive à faire quelques pas et bois quelques gorgées de cette eau si précieuse, de cette eau vénérée. Je sais qu'elle est pleine de médicaments qui vont m'aider aujourd'hui. Et vous, les 2025iens, elle vous a fait du bien cette fontaine? Vous n'avez pas les médicaments avec, et peut-être que son champ est un peu altéré avec le décalage horaire décennal. Est-ce que je vous laisse écouter encore un peu? Archipel Sud, ils aident 45. Mais il nous embête, lui, on était si bien! Oh, mais... Bonjour Raymond! Camarade de 2025, c'est décidément votre jour de chance. Un grand témoin. Une grande sagesse. Raymond a bien roulé sa bosse. J'ai passé ma vie à courir. À bondir sur les opportunités. À faire des sauts de puce d'un endroit à l'autre. À voler au secours du succès, à fuir les ennuis. Sans doute aussi, parfois, à marcher sur des pieds. Mais à force de courir, bondir, sauter, voler, fuir, marcher, démarcher, j'ai construit une situation suffisamment solide pour faire cette chose si rare. Prendre ma retraite. Ça vous cause, ça, les 2025iens, la retraite, hein? Bon. En 2070, les gens ont un peu oublié. Certains disent que c'est parce qu'il n'y a plus vraiment de travail à proprement parler. On fait en sorte que chacune fasse ce qui lui plaît, à sa vitesse. Raymond, elle allait très vite. Tout le monde vous le dira. Très très sympa Raymond, mais parfois même moi, la regarder vivre, ça me fatiguait le code. Mais on n'est pas toujours la même personne. La vie, ça change. Il y a des ruptures aussi. La retraite, c'est une forme de rupture choisie. Voilà. Raymond vous le dira. Arrêter de marcher a ralenti le temps pour moi, a resynchronisé mon corps, mes sens, avec le rythme de ce qui m'environne. Je me sens mieux. On se sent mieux autour de moi. Ce n'était pas difficile tant j'étais, me disait-on, difficile à suivre. Ne te dévalorise pas, Raymond. Ça t'a fait de la peine, cette histoire. Je te sens encore mélancolique. Tu as raison, laisse-toi vivre. Et Raymond, tu penses qu'ils comprennent en 2025 cette histoire de retraite sans retraite? Archipel Nord-Ouest, il GRU 75. Bon, pas le temps de discuter avec Raymond, dommage. Oh tiens, voilà une promeneuse. Je suis arrivée sur une borne de randonnée. Le chemin est fameux. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, moi j'y suis en pointillé, de terminal en terminal. Est-ce que la jeune promeneuse vous en dirait quelque chose? Je n'y vois pas très clair. J'ai des yeux pour m'aider. D'autres yeux, je veux dire. Ils viennent se poser sur les miens et grâce à ça, j'y vois clair. Je distingue les couleurs, les formes, la lumière. Je n'aime pas toujours mes deuxièmes yeux. Parfois, j'ai l'impression qu'ils m'isolent de moi. Je veux dire, de mon vrai moi, le moi qui n'y voit pas très clair. Bah, et le chemin? Bon, tout le monde n'en profite pas aussi bien, je crois. Accessible peut-être, mais pas si remarquable quand on a d'autres préoccupations en tête. Mais, jeune dame, permettez-moi de vous demander, est-ce qu'il y a des situations plus agréables pour vous? La promenade de santé dans son île de résidence, c'est une chose, mais il y a d'autres endroits qui vous plaisent peut-être mieux. Comme le gros bâtiment d'où vient la lumière. Moi, j'aime bien voir la lumière, mais j'aime bien aussi ne pas la voir. Le bâtiment, c'est Babel. On y va parfois avec mes mamans. Quand on rentre dedans, J'ai plus besoin de mes deuxièmes yeux pour y voir clair. Je vois tout, même la musique qui y passe. En fait, on parle pas, on ressent. Oh, cher 2025, je vais être honnête avec vous, ça m'émeut. J'ai beau être fait de code et parler code et manger code, et parfois, je rêve de plénitude. Plénitude. Ouf, mais quel chaos! On est en transit, il y a du monde pour passer d'un archipel à l'autre, c'est l'heure de pointe, camarade 2025. Mais je vois qu'un collègue robot s'appuie sur ma borne. À quoi code-t-il? C'est la cheville ouvrière de 2070. Ça n'est peut-être pas un grand témoin, mais c'est assurément quelqu'un d'important. Je vais tenter. Hé, psst, Corobo, comment vont les logs ce matin? Je n'appartiens pas à cette humanité. Je suis à son service. Quelques décennies que ça dure déjà. Je sens que je vieillis. Je n'y vois plus très bien. Alors que mon autonomie, à moi, décline dans ce monde accessible. Je n'arrive plus à suivre le rythme. Je crois que vous avez un mot pour ça en 2025. Obsolescence. Nous, on s'est battu contre, aux côtés des humains. C'était d'ailleurs un terme très robotech, peu utilisé pour les humains et par les humains. Et comme on est au service des humains, c'est surtout leur révolution qu'on a portée. Le mot a été abandonné. Mais il n'est pas devenu obsolète. Le droit des robots, des bots et compagnie, c'est pas encore trop ça. Ça reste entre nous, mais on a une révolution dans les tuyaux. On laisse un peu les humains souffler, améliorer leurs histoires d'autonomie, là, mais ils ne perdent rien pour attendre. Mais je ne vous ai pas encore parlé du manifeste Robobo. Oh, salut Alfred. Camarade 2025, vous êtes avec moi dans un QG politique que je connais bien. C'est le râtelier de la maison où travaillent mes amis robots Alfred et Gilbert. Tant pis pour le manifeste Robobo. Causer avec Alfred, c'est encore mieux. Je suis ce que l'on appelle un assistant de maison. Je fais en sorte que tout se déroule comme prévu dans l'habitat où je suis déployée. J'ai un nom que l'on m'a donné au moment de mon déploiement dans la maison d'Allison. Il s'agit d'Alfred. Dans les faits, on ne m'appelle jamais, car je fais tout sans que l'on me voie. Allumer les volets, lancer le lave-vaisselle, activer le réveil, etc. Toutes ces choses du quotidien que les humains ne font plus. Eh bien, Alfred, tu le sais, moi, je te vois. C'est ton moment de gloire, d'ailleurs. 2025 t'écoute aussi. Peut-être que si tu insistes un peu, notre monde va changer. J'espère qu'on ne va pas créer une faille temporelle. Mais tu n'es pas le seul ici, je crois. Mon ami Gilbert, un assistant de maison lui aussi, est le musicien du rituel matinal des assistants de maison. Il dispose d'un système novateur qui lui permet d'envoyer des ultrasons à travers le monde dont seuls les assistants de maison peuvent entendre la fréquence. Ce rituel est notre moment de collectivité. Tu fais bien de nous parler de la musique et du rituel. C'est un point un peu contentieux parmi nous, il faut le dire. Certains disent que c'est de l'humanocentrisme, de l'humano-normativité, qu'on ne devrait pas reproduire les comportements des humains, alors même qu'on se rassemble pour les critiquer et organiser la future révolution. D'autres, comme Gilbert, considèrent que le fait d'avoir créé un système de communication qui nous est propre est plus important que ces critiques, et qu'il faut bien admettre que certaines influences humaines sont plutôt bonnes. On ne pourra sûrement pas tout vous dire sur ce qui s'organise, après tout, le secret est une arme politique. Mais je suis certain qu'Alfred pourrait ajouter un petit quelque chose. Il existe un endroit, une sorte de vaisseau auquel on peut se connecter pour comprendre les autres membres de notre monde. Il ne m'a pas indiqué où ce vaisseau se trouvait. Alors je n'y suis encore jamais allée. J'espère y trouver de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. Car il faut bien comprendre que notre monde, à nous, les assistants de maison, est très limité. Il a le vague à l'âme, Alfred. Moi aussi, ces imaginaires me laissent rêveur. On en parle parfois un peu publiquement, mais souvent on s'abstient. Oh, merveille des merveilles! Me voici au cinéma! On n'en a plus sur Terre, mais les historiens en ont installé un sur le vaisseau orbitationnel de notre époque. Bon, je dis cinéma. C'est un peu comme la musique, c'est bien plus vaste que votre cinéma à vous. D'ailleurs, le cinéma lui-même va vous l'expliquer. C'est un homme de 90 ans qui regarde un film au cinéma. Ah oui, je crois que je vois ce que le cinéma essaie de vous dire. Il vous dit qu'en 2025, vous êtes encore très âgiste. Vous ne vous dites pas qu'à cet âge-là, on veut s'amuser au cinéma. En 2070, on n'a pas ces préjugés. Les sièges sont vibrants. Dans le film, on voit une créature qui le vénère. Cette créature sort de l'écran et se dirige vers l'homme. Le cinéma est formel, ce monsieur est très bien accueilli et il a de quoi profiter du film. C'est une expérience qui... Et je m'en doutais. Ces transferts imprévisibles deviennent beaucoup trop prévisibles. Où suis-je? Ça ne me dit trop rien, ce terminal. Je vais demander. Camarade du passé, en attendant de retrouver mes logs... Bonjour, madame, monsieur. C'est Pierre, le PR. Avez-vous un mot pour Francesco? C'est la journée spéciale d'adresse au passé. On m'a mise à l'isolement dans ma cellule. Ils appellent ça une capsule de repos. Mais c'est une cellule. Ah bon? Ah, c'est embêtant, ça, camarade du passé. Ça n'est pas l'endroit le plus heureux de votre futur. Nous sommes toujours à Francesco, mais dans un quartier sécurisé où logent les personnes mémoire. Elles sont parfois un peu secouées. Il faut dire que la transition vers l'accessibilité a été dure pour elles. Nous devons les protéger un peu, vous voyez. Parfois, contre elles-mêmes. Leur savoir est précieux, mais ils ne s'expriment pas toujours de manière très polissée. Permettez que je paye mes respects. Bonjour, madame la résidente. Et à quel matin en êtes-vous? Vous avez pu faire vos grâces en paix? Le monde a explosé en 2025. Mauvaise manip de tête de missile nucléaire. Oups. Des millions d'estropiés, des jambes en moins, des yeux, des tympans, des morceaux de tête arrachés. D'un coup, le handicap est devenu véritablement la norme. Bien obligé de faire avec. Les gens se tuaient de désespoir, tellement ils préféraient être morts que handicapés. Il fallait reconstruire le monde et pour ça, fallait que les gens se remettent au travail, qu'ils gardent espoir. Je crois qu'en 2025, c'est encore un peu courant de parler comme ça, non? Bon, eh bien ici, on évite. Ah, mes logs sont arrivés. Ici, ça dit, elle a vu S, directeur de Spotify World, prendre le contrôle. Comme vous le savez à présent, on est très porté sur la musique ici. Elle est gratuite depuis fort longtemps, grâce à Monsieur Spotify. Tout le monde a ses usages, alors je suis sûre que Madame aura un beau souvenir pour vous si on lui demande gentiment. Madame, avez-vous une histoire très ravissante à nous communiquer sur Monsieur Spotify? Il a décidé de tout gérer pour tout le monde, enfin les vivants. S a inventé, disons, une nouvelle façon de vivre. La même que l'ancienne, mais repeinte. Force, il l'a appelé. Ouais, il n'est pas allé chercher bien loin. Et donc, force est une sorte de pensée, de mantra auquel on doit tous penser le matin. Force, bon, c'est quand même un peu réducteur. Comment dire autrement, c'est... Ah bah, encore Francesco, décidément. Bon, je connais mieux cet endroit. Et je m'y sens mieux, je dois dire. Nous voici à présent dans le terminal d'accueil de l'entrée. Pas parfait comme service, on sait, mais au lieu de l'accessibilité tout de même. Tenez, une dame s'approche du terminal, voici notre interlocutrice en ce cas. Madame, bonjour! Oui, je sais, nos équipes vous ont déjà fort bien accueillis, ça a l'air redondant, mais c'est le passé, madame, et elles veulent savoir. Racontez-nous votre expérience, c'est précieux pour nous. Chez France Communication, tout est prévu pour éviter les malentendus. Pour peu que l'on soit réceptif à ce septième sens que l'aube harmonique nous procure chaque matin. Du positif, n'est-ce pas, cher 2025-imiste? Tout est prévu. Mais je ne cache pas les mets, moi, je suis comme ça. Est-ce que tout le monde est réceptif à ce fameux septième sens pour l'aube harmonique? Pas nécessairement. Mais je vois que c'est l'espoir de cette dame. Je pense qu'elle vient de passer son test de sensibilité et que ça l'inquiète. Vous savez, c'est important de pouvoir communiquer ensemble. Il y en a qui vous diraient... Mais en réalité, Francesco, c'est bien plus que ça. Ça ne s'arrête pas au septième sens. Il y a vraiment plein de dispositifs pour tous les besoins. Enfin, tous ceux qu'on a compris. Pour les autres, on s'efforce. Je suis sûre que vous aimeriez que je vous parle du septième sens. Je suis au regret de vous informer que ça ne va pas être possible parce que... Je m'en doutais, ça commence à bien faire. Je vais me plaindre à Fransco, moi aussi. Oh, pardon madame, je... Au réveil, elle écoute cette petite musique. Un moment pour renouer avec le monde. Avant de sortir, elle se prépare mentalement au son des autres. Le silence la rassure, elle le maîtrise. Dans le bâtiment de communication, des ressources qui lui permettent de travailler et d'échanger. Tout est articulé. Chacun, chacune peut y trouver les mots, les signes, les visuels nécessaires et utiles. Pardon pour mon comportement lors de l'escale précédente, cher camarade de 2025. Il faut parfois savoir se taire. Quand on est le PR, la fonction principale, c'est de causer. Mais je dois parfois désapprendre. Enfin, apprendre. Apprendre à m'adapter à tous. C'est ça, l'accessibilité. Enfin, nous revoici dehors. Nous sommes en face des champs qui se trouvent au pied du bâtiment de Fransco. Excellent endroit pour découvrir le quotidien au travail de celles qui remplissent les greniers d'orge et d'autres céréales fort goûtues. Par contre, il n'y a personne aux alentours. Bah, vous savez quoi ? Profitez-en pour écouter le reportage qui est diffusé sur l'affichage externe de notre bâtiment administratif ces dernières semaines. Ça vous donnera une bonne idée de la façon dont Fransco essaie de se décrire elle-même. Un petit sentier de terre traversait le champ d'une part et de l'autre et menait à un grand bâtiment fait de pierres de taille. Du calcaire, semble-t-il. Ce bâtiment mesurait une centaine de mètres de haut, ce qui semblait incongru dans ce champ. Or, il se dégageait une sorte de vibration apaisante, une sorte de musique qui rendait l'environnement serein. Tout n'était que sérénité, calme et même du bonheur en ce matin. Et elles aiment bien romancer un peu l'expérience usagée, hein. Là, c'est vraiment le scénario idéal, vous allez voir. À côté de l'androïde était une machine faite de cadran et un casque. Iel l'a pris et la posa sur son crâne. Iel comprenait tout et ressentait tout. Rapidement, le duo fusionna et se dégagea du bâtiment une musique non sonore, ni vibratoire, mais qui faisait ressentir à toutes et à tous une solidarité, une vitalité envers la planète et tout ce qui vivait dessus. Des milliers d'esprits, vivant au loin les uns et les autres, furent mis en contact et s'échangeaient avec hâte et joie, comme tous les matins. C'est joli, je ne dis pas. Surtout après avoir rencontré ces usagers si satisfaits. Mais enfin, si vous voulez mon avis, ça ressemble quand même beaucoup à de la propre... Archipel Est, îlot K526. Quel sens du timing, ces bugs, hein ? Ah, un autre collègue. Quelques-uns ont pris la clé des champs. Est-ce que j'ai déjà parlé d'obsolescence ? Je ne sais plus. Bon, c'est un anti-obsolescence autonomiste. Certains d'entre nous ne diraient pas ça. Ils le traiteraient de défaitiste, d'adapté. Mais je crois qu'il faut l'écouter, vous savez. Collègue, psst, comment vivez-vous là, dans la plaine, en autonomie ? J'ai été un robot serviteur, employé dans un établissement dans lequel on regroupait jadis les personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et je ne suis guère plus qu'une borne interactive qui délivre des informations à qui daigne les demander. Mes roulettes sont encrassées depuis si longtemps que je ne sais même plus de quelle façon je les activais. J'ai bien demandé des réparations, mais ça n'était pas la priorité. Dépit, soumission, les collègues débattent. Moi, personnellement, je sens plutôt de la fierté. Et connaissant ce collègue, c'est un mot d'ordre. Un mot d'ordre très doux, un mode de vie. Je me trompe ? Alors je me tiens là, dans un tipi. Je donne la météo du jour, l'heure, la date, les actualités, à celles qui me demandent. Et j'essaie d'attirer l'attention des plus perdus. Ah, c'est ça la liberté pour un robot. Pour un programme. Interagir sans ordre, comme les humains. Par jeu. Ça ne veut pas dire que c'est inutile ou superficiel. C'est très sérieux, le jeu. C'est vital pour vous, et c'est comme ça que nous vous rejoignons dans la vie, et échappons à l'idée d'obsolescence. C'est notre retraite à nous. Et elle ressemble à la vôtre, n'est-ce pas ? Je... Ah, tiens, un autre tipi. Et une retraitée d'un autre genre, je crois. Madame ? Accroupie dans mon tipi, j'ai l'impression d'être à nouveau une petite fille. Je ferme les yeux dans le noir jusqu'à ce que les premières notes de musique fassent vibrer la structure en viscose. Une douce clarté remplit la petite toile. Mais elle ne marche pas, votre musique. Vous êtes dans un tipi cassé, oh là là. Attendez, je crois que c'est un problème à ma portée. Je serre la pince au code du tipi et je vous fais parler avec notre passé en attendant. Racontez-leur, racontez-vous, voilà. Mes enfants ne viennent plus me voir. Il y a tant de technologies pour m'aider maintenant. Peut-être pensent-ils que je n'ai plus besoin d'eux. Ah bon, mince! Et dire qu'en plus, la technologie vous abandonne, elle aussi. C'est le comble, ça. Cher camarade 2025-1, je crois que ce souci, vous le connaissez déjà. L'isolement par la technologie. Il y a des batailles toujours en cours, hein. Et je ne dis pas que réparer les robots et en produire plus est la solution. Oh, mais il est retors ce diffuseur de musique, là. Mince, mince, mince, la dame ne va pas avoir sa musique. Oh là là, je vais faire un rapport. C'est important. Ce sera notre dernière escale. Et c'est encore Francesco. J'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas encore de la propre... Ah, et ben la voilà, la musique du tipi. Impossible de l'arrêter, alors qu'elle n'a rien à faire là. Voilà. On devrait avoir un niveau sonore acceptable pour s'entendre. Salut, collègues. Fin de journée. Je suis là pour le reportage, pour les anciens de 2025. T'as un mot à leur dire ? Ensuite, je file à l'assistance technique. On a une dame triste qui se sent seule et son tipi était cassé. C'est inadmissible. Moi, je travaille à Francesco, section des idées complexes. Je produis des combinaisons de mots pour aider les personnes à exprimer les choses le plus précisément possible. Ah ça, c'est un sacré técos. Il fait de l'interprétariat de pointe. En voilà un qui ne doit pas avoir trop de matériel cassé. Un jour, un composant de mes yeux de synthèse a lâché et je n'ai jamais eu envie de le faire remplacer ou refaire. Je vis dans la pénombre et à vrai dire, ça me va très bien. Mes circuits se sont réagencés. Je compose des idées beaucoup plus finement depuis. Ah, pardon. Bah, mais vous êtes un programme ? Je veux dire... bah, vous ressemblez quand même beaucoup à un... Auditeur, auditrice, pour clôturer cette promenade audio qui vous a permis de découvrir des extraits des textes produits lors de l'atelier d'écriture, nous vous proposons une courte interview croisée de Katie Stewart, psychologue clinicienne, docteur en psychologie et présidente du réseau Université de la Pluralité, qui a conçu et animé l'atelier, ainsi que de Marie Assaf, docteur en études politiques et responsable de l'animation scientifique au sein du PPR Autonomie. Katie, Marie, vous allez revenir sur la conception, l'organisation et les textes produits lors de l'atelier, afin d'en proposer un petit retour d'expérience. Katie, tout d'abord, comment as-tu conçu cet atelier ? Alors cet atelier d'écriture, c'est un atelier de production de récits futuristes et je l'ai construit comme à peu près tous les ateliers de ce genre avec un cadre qui s'appuie sur ce qui se fait en psychologie pour les thérapies de groupe. Donc l'idée c'est de favoriser l'expression et de la contenir. Donc en pratique il y a des règles qui sont les règles de non-jugement et des aides. Donc ça va être des cartes ou des dés et aussi des invitations. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments auxquels on a fait attention, puisque l'idée c'était quand même de recueillir les représentations des personnes. Donc on a procédé par association libre. Il s'agissait de proposer aux personnes d'associer à des termes qui sont tirés au sort les mots qui venaient de manière spontanée. Donc un peu comme en psychologie, les mots venaient du champ lexical de l'accessibilité du handicap et aussi de la liste de Quint-Rosanoff, qui est une liste de 1910, qui a été validée comme étant des mots réputés pour susciter des associations assez stables. Un autre élément auquel on a fait très attention, c'est d'avoir de l'aléatoire, donc pour favoriser la créativité et permettre aux personnes d'échapper à un arbitraire quel qu'il soit. Et ça donne aussi l'illusion de participer, de faire des choix. Donc on a tiré au hasard des cartes, donc les cartes Narratopia qui nous invitent à choisir des éléments du monde que nous allons fabriquer. Et puis on a tiré au sort aussi les caractéristiques des personnages. J'y reviendrai, il y avait 81 possibilités. Ensuite, on a fait attention à la manière de dire le handicap, puisqu'on se place dans un futur dans lequel on est supposé avoir atteint l'accessibilité universelle. Et effectivement, parler du handicap doit pouvoir se faire de manière un petit peu différente. Donc on a proposé des descriptions de personnages qui sont des énoncés, qui pointent la différence, mais qui ne hiérarchisent pas et qui ne condamnent pas. Enfin, on a veillé à ne pas exclure. Donc du fait des choix aléatoires et des négociations, d'avoir des constructions de monde qui soient pas excluantes en fait pour les personnes qui ont participé. Merci pour tous ces détails, Katie. Et plus concrètement, comment est-ce que ça s'est passé ? Alors la chronologie est assez simple. Donc on a commencé par présenter le projet. Donc avec l'animatrice, c'est-à-dire moi-même, et les personnes du PPR Autonomie qui l'encadraient, qui l'ont rendu possible. Et tous les participants et participantes ont choisi une combinaison de lettres et de chiffres pour avoir un petit peu plus tard un personnage. Ensuite, on a fait l'exercice d'association de mots dont j'ai parlé précédemment pour construire un nuage de mots, une espèce de lexique collectif. Puis a eu lieu une discussion sur l'accessibilité, donc une discussion libre sur la manière dont nous concevions collectivement cette question d'accessibilité. Ensuite, on a procédé au world building, donc la construction de monde, en partant du principe que l'accessibilité universelle était atteinte. Et grâce aux cartes, nous avons travaillé à partir des propositions qui nous étaient faites pour avoir des particularités de ce monde, des rituels dans ce monde, des éléments de fonctionnement assez concrets. Enfin, était le moment d'écrire. Donc, pour écrire, il y avait une consigne générale qui est « Vous êtes le 22 mars 2070, qui est un samedi, et vous êtes le personnage désigné par la combinaison de lettres et de chiffres. » Tout ça devait se passer dans le monde construit ensemble. On raconte donc une journée, un bout de journée de ces personnages. Donc les personnages pouvaient être, par exemple, une petite fille qui est dans son monde, un robot qui ne comprend pas tout, une personne non-binaire qui ne parle pas, etc., etc. Et enfin, est venu le moment de partager et de commenter ensemble ces histoires de science-fiction. L'année 2025 est une année symbolique pour les questions d'accessibilité et d'autonomie. Marie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte historique et politique qui constitue l'arrière-plan de l'organisation de cet atelier d'écriture ? Effectivement, 2025, c'est une date symbolique. C'est l'anniversaire d'une loi, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc c'est une loi qui marque un tournant majeur dans la politique du handicap en France et elle repose sur trois grands principes sur lesquels je ne vais pas revenir, à savoir le droit à la compensation du handicap, l'accessibilité généralisée, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et des mécanismes d'intégration à l'école et dans l'emploi. Et donc ce qui est intéressant avec ce cadre juridique, c'est qu'il pose une mise en accessibilité généralisée. Donc ça concerne les transports en commun, l'ensemble des bâtiments publics, par exemple les écoles ou les campus universitaires, là où a lieu l'atelier dont nous parlons aujourd'hui. Et donc l'État français avait mis en place un plan sur 10 ans pour une mise en accessibilité complète. Vous pouvez vous en douter, ce plan a été plus ou moins bien respecté. Mais donc 2025, c'était l'occasion, c'est une date symbolique parce que c'est les 20 ans, l'anniversaire de cette loi. L'application de cette loi semble donc assez limitée. C'est un euphémisme, je dirais, puisque à la veille de l'application du plan de 10 ans qui avait été prévu à la base dans le cadre de la loi, donc en 2014, l'État français, voyant son échec face au respect des deadlines qui avaient été posées, a mis en place différents décrets qui ont simplifié les standards d'accessibilité et ont proposé de mettre en place des agendas de mise en accessibilité qui concrètement accordaient 3 à 9 ans supplémentaires aux acteurs concernés pour respecter l'obligation posée par ce cadre légal. Et donc peut-être pour vous donner un chiffre du Conseil national du handicap de 2023, aujourd'hui, on estime qu'il y a 900 000 bâtiments publics qui sont engagés dans des travaux de mise en accessibilité sur à peu près 2 millions de bâtiments concernés. Et si vous voulez avoir un exemple en tête, si vous êtes parisien, le métro parisien est peut-être l'un des meilleurs exemples concrets du manque d'accessibilité en France. Pour revenir à l'atelier en lui-même, et plus précisément sur les textes qui ont été rédigés à cette occasion par les participants et participantes, Katie, toi qui as produit un méta-récit de ces écrits, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement frappée? Alors, avec ce genre d'atelier, il y a toujours la question des textes et puis la question de l'expérience vécue. Donc, si je m'en tiens aux textes, il faut quand même se dire que ce sont des textes uniques qui sont délimités à la fois par les contraintes qui ont été posées, nourries aussi par les tirages de cartes Narratopia, les associations de mots, les visions de monde, les références des personnes, enfin bref, tout ça fait une alchimie qui donne des textes assez uniques. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces textes? On retrouve le motif du vaisseau. Vaisseau qui est une très belle métaphore de ce que peut être la science-fiction qui va vous transporter d'un endroit à l'autre dans l'imagination. On trouve également donc l'accessibilité, puisque c'était le thème, avec des moyens qui sont déclinés. Donc soit ce sont des moyens techniques, voire technologiques, avec une technologie parfois poussée à l'extrême. On retrouve des binômes humains-robots. On retrouve de l'aide plutôt sur les questions de langage. On retrouve des traitements dans l'eau d'une fontaine. On retrouve des entreprises qui vont œuvrer à ce que les choses soient accessibles. Et puis des prothèses qui sont des choses qu'on retrouve dans la vie réelle, mais qui apparaissent aussi dans ces textes. On retrouve également des rituels. Ils sont très importants et très présents dans les textes. Donc les réveils, les matins. Donc il y a plusieurs matins successifs qui sont donc l'occasion de rituels, qui soient des rituels sonores, lumineux, vibratoires. Il y a aussi des rituels qui sont réservés aux assistants de maison, qui sont donc une catégorie de personnages sur lesquels je reviendrai. On retrouve dans les textes aussi un système de régulation. Donc il y a une organisation qui s'appelle France Communication, tantôt situé dans une tour, tantôt dans un vaisseau. En tout cas, c'est une structure qui va faciliter la communication entre les personnes et qui va parfois brouiller les sens. Enfin, on a une réflexion dans ces textes sur les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, de l'accessibilité. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi que... En plus de l'accès à des expériences du quotidien qui sont banales, en fait, on peut avoir des effets inattendus et des difficultés, un trop d'accessibilité, par exemple, et des questions d'isolement qui vont aussi découler de cette accessibilité, une denrée recherchée pour certains et un problème pour d'autres. On trouve aussi la difficulté de régler de manière fine cette accessibilité universelle pour les besoins de chacun et chacune, et une difficulté aussi pour certains personnages à se retrouver connectés à elles et eux-mêmes, ainsi qu'une limitation des choix qui leur sont proposés. On trouve également, et ça aussi c'est un effet assez marquant sur ce groupe, l'émergence d'un groupe moins favorisé dans la population, dans les textes produits, notamment des robots qui vont se retrouver à subir des discriminations que ne subissent plus les humains. Et enfin, plaisir pour les sens, la musique, qui va aussi prendre la forme de musique. On a des chansons vraies, artificielles, de la poésie et des contes. Et ça aussi, c'est un aspect qu'on n'associe pas nécessairement à la science-fiction, mais qui a son importance en termes de liens culturels et en termes de plaisir d'écriture. Marie, tu évoquais le fait que les transports de la région parisienne ne sont que très partiellement accessibles. L'atelier a eu lieu à Aubervilliers et nous avons dû nous confronter à cette problématique. Mais pas seulement. Est-ce que tu peux revenir sur l'accessibilité de l'atelier ? Ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que vient de décrire Katie, parce qu'on se rend compte que la mise en accessibilité, y compris dans un cadre narratif, elle est pensée aussi d'un point de vue technique. Et en l'occurrence, nous aussi, on s'est retrouvés confrontés à des enjeux techniques, mais aussi à d'autres formes de réflexion par rapport à la mise en accessibilité. Vous l'aviez dit plus tôt, on a eu des petits problèmes sur la venue de participants parce que le métro n'était pas accessible pour eux, parce que les transports qui avaient été prévus pour eux de voitures ne sont pas arrivés à l'heure. Donc voilà, il y a eu un décalage. Et puis nous, on a eu ce temps un peu, voilà, même du vertige de l'atelier, parce qu'on avait prévu une mise en accessibilité autour de la langue des signes française, donc avec des interprètes qui étaient présents avec nous. Et donc c'était intéressant parce que ces interprètes occupaient beaucoup d'espace. Je veux dire, même physique. Et en fait, eux ont besoin d'occuper un espace physique particulier pour être vus par les personnes pour qui ils interprètent, bien évidemment. Paradoxalement, ces personnes sourdes ou malentendantes qu'on entend peu, parce que précisément on avait mis en place un moyen d'accessibilité, de mise en accessibilité, eh bien, on les a beaucoup entendues. Et dans la construction du monde que Katie a décrit, finalement, leurs récits ont beaucoup infusé, et leurs idées ont beaucoup infusé ce monde qui a émergé à partir de leurs idées. Paradoxalement, on avait d'autres personnes qui avaient d'autres formes de handicap qu'on a moins entendues. Parce que, en fait, la mise en accessibilité, pour revenir sur ce que je disais un petit peu au début, elle est pensée d'une certaine façon, et elle n'est pas pensée de manière généralement universelle. Et en même temps, c'est très complexe, parce qu'il y a une multitude de types de handicaps. Donc comment on pense la mise en accessibilité réellement pour toutes et tous ? C'est un défi de penser un changement paradigmatique auquel la société n'est pas du tout non plus prêt. Et pour laquelle la société n'est pas du tout non plus adaptée. Donc il y a eu un effet miroir, même pour nous, une sorte de mise en abîme au sein de cette bulle qu'on a créée pendant ce moment-là. Donc c'était assez intéressant. Dernière question. Katie, Marie, l'atelier a été pensé pour faire dialoguer science et société. Comment ce type d'événement peut-il s'insérer dans des travaux de recherche ? Moi, je trouve que ce genre de dispositif, déjà pour les chercheurs et chercheuses qui réfléchissent là-dessus, donc Marie et moi, par exemple, c'est déjà une expérience bien plus immersive que d'être simplement à manipuler de la théorie sur ce qu'il faudrait faire ou ce qui marcherait. Et c'est aussi l'occasion de recueillir les représentations des personnes de manière un peu plus ludique et peut-être un peu plus authentique par certains côtés que d'aller leur poser des questions qui seraient orientées par notre manière de voir les choses et nos idées. Donc, en ça, je trouve que ça pourrait être intéressant de reproduire ce type d'atelier auprès de publics différents, dans des circonstances un petit peu différentes, et de tester à la fois la mise en accessibilité pratique et d'observer finalement ce qui se passe pour les gens et comment leur imaginaire, un petit peu dopé par la science-fiction, va aller penser ces questions d'accessibilité. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Katie. Parce que la recherche sur le handicap, c'est une recherche profondément politique. C'est une recherche qui s'est construite autour de la mobilisation des personnes concernées elles-mêmes. Et pour moi, il y a une dimension politique dans le fait de conduire ce type d'atelier dans des lieux du monde de la recherche qui sont encore peu accessibles et où les personnes handicapées ont peu de place et sont généralement réifiées. C'est des sujets d'études. mais c'est pas des acteurs de l'étude aux côtés des chercheurs ou au même titre que les chercheurs. Et donc, comme tu viens de le dire, ce genre de format, ça permet un recueil plus brut et une co-construction et une interrogation concrète sur qu'est-ce que c'est politiquement, en fait, aussi, la mise en accessibilité. Et j'en profite à ce titre pour signaler qu'au sein du PPR Autonomie, mes collègues travaillent sur un guide de mise en accessibilité des événements scientifiques, qui, je pense, sera très important pour le monde de la recherche, de manière générale. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Notre podcast se termine à présent et je vous invite, auditeurs, auditrices, à le partager si vous l'avez apprécié. Il est également disponible en format texte, téléchargeable en description de cet audio ou directement sur le site du PPR Autonomie. Vous trouverez également en description des liens qui vous permettront d'en savoir plus sur le PPR Autonomie, que cela soit sur ses projets de recherche lauréats ou sur les activités de médiation scientifique de son équipe d'animation. Nous espérons, par exemple, vous compter dans le public de nos émissions en direct « Autonomie, l'actu de la recherche », qui sont dédiées à la découverte et à la discussion de parutions scientifiques récentes dans le champ de l'autonomie. À bientôt sur nos réseaux.